اطلب العلم اذا بلغنا هذا الدين على كتاب الله وسنه رسول الله ورجعنا الى اقوال العلماء دائما اطلب العلم فهذا شيء مطلوب ان شاء الله. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. لكم بانيو comme Abu Bakr, comme Omar, comme Uthman, comme Ali ont divergé et ne se sont pas divisés. Voilà ici la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Être une sunna ambulante, pas une innovation ambulante. حياك الله يا شيخ. معك الأخ رشيد أبو حذيفة من فرنسا. بارك الله فيك يا شيخ، حفظك الله ونشكرك على هذه المداخلة المباركة بإذن الله عز وجل. السؤال الأول، بارك الله فيك يا شيخ، إذا الشيخ نحن إذا كنا يعني نحن كالدعاء إذا بلغنا هذا الدين على كتاب الله وسنة رسول الله ورجعنا إلى أقوال العلماء دائما فهذا شيء مطلوب إن شاء الله. شيء واجب. حياك الله يا شيخ، ونعتذر يا شيخ على هذا الإزعاج، ونسأل الله لك التوفيق والسداد، وحياكم الله يا شيخ، وبارك الله فينا وفيكم، وجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون، ونحبك في الله يا شيخ. وفيك الشيخ، ونبقى بالتواصل إن شاء الله يا شيخ. حياك الله، بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ التاريخ تروي عنه أفواه سطور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بحول الله عز وجل. on va faire la traduction donc de l'intervention du Cheikh Al-Allama ici Abdullah Al-Mutlaq, donc ce grand savant qui fait partie de Kibar Al-Ulama, du comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite. Jazahullahu ana kulla khair, et bi'idhnillah azza wa jalla a accepté notre invitation. Ici à travers le téléphone il a fait une intervention en langue arabe et ensuite je lui ai posé trois questions et bi'idhnillah azza wa jalla on va faire la traduction. Donc j'ai réécouté hein. Donc parce que le son n'était pas très bien comme vous avez pu entendre hein, donc à certains moments, donc j'ai réécouté l'intervention pour essayer de donner une traduction la plus correcte possible inshallah ta'ala. Et ceux qui ont compris l'arabe donc quand il est intervenu, donc khlas ici ça leur suffit inshallah ta'ala. Concernant l'introduction, ici il a fait ad-du'a comme vous l'avez entendu et il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de cette nuit une nuit bénie pour nous tous et toutes, et il a demandé à Allah jalla wa ala de nous accorder à tous et à toutes une science bénéfique, et qu'Allah jalla wa ala nous accorde à tous et à toutes ici des œuvres et le fait de pouvoir accomplir des œuvres salutaires, al-amal as-salih. Ensuite le cheikh il a fait une intervention bien sûr comme vous l'avez compris hein, du moins pour ceux qui comprennent l'arabe ou même un peu de l'arabe, hein. Donc vous l'avez compris qu'il a fait son intervention autour de l'amour en Allah Azza wa Jal, l'importance de s'aimer, de s'entraider en Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah Jalla wa Ala, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, et de s'écarter des divisions, de la calomnie, de la médisance, et particulièrement envers les gens de bien, envers les gens de bien. Et donc ici, le shir, Naam, envers les gens de bien. Et le cheikh ici, il a donné plusieurs recommandations qui sont extrêmement importantes. Et on va les citer, inshallah ta'ala. Et ensuite, je citerai les trois questions ici qui concernent les trois questions que j'ai posées au cheikh, inshallah ta'ala. La première des choses qu'a dit le cheikh, jazahullahu khairan, il a dit le véritable croyant aime ses frères croyants et il aime pour eux le bien. Il dit « Al-mu'minu al-haqiqi » Il a dit le véritable croyant. C'est celui qui aime ses frères croyants. Il les aime. Et ici, il aime pour eux يحب لهم الخير il aime pour le bien. Et il rappelle la parole du prophète عليه افضل الصلاه والسلام quand il dit عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. Aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et ensuite, il a cité le verset coranique où Allah Jalla wa Ala rappelle l'amour et l'affection qu'on doit avoir envers nos frères. Et le verset coranique où Allah Jalla wa Ala dit avec une traduction du sens, et ceux qui sont venus après eux ont dit « Rabbana ghfir lana » Ils ont imploré Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Seigneur, pardonne-nous » ici, ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Et ne met point de cœur, de rancœur ou de rancune contre ceux qui croient, c'est-à-dire dans nos cœurs. Ne met point de rancune dans nos cœurs contre ceux qui croient. Et il rappelle l'importance de vouloir le bien pour ses frères. Et il dit le croyant et le véritable croyant n'a pas dans son cœur de rancune, de haine, de jalousie envers ses frères croyants. Mais il aime ses frères croyants. وهذا هو الأصل. C'est ça le principe de base. Il aime ses frères croyants. Car le prophète عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم a dit, comme dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihain, l'image des croyants dans leur amour, dans la miséricorde et l'affection qu'ils se portent est comparable à celle d'un même corps. Lorsqu'un membre se plaint de quelque douleur, c'est l'ensemble du corps qui en pâtit par l'insomnie et la fièvre. Il rappelle ce hadith très connu du prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit, mais malheureusement, Shaitan, il veut séparer et diviser entre les musulmans, entre les croyants, en mettant de la rancune, en mettant de la haine, et en instaurant la haine et la rancune entre eux. Et ici, il dit que Shaitan veut instaurer cela, et Allah Jalla wa Ala l'a décrit dans le Coran al-Karim. Quand il dit, subhanahu wa ta'ala, Shaitan, le diable, veut instaurer la haine et l'inimité. Donc, entre qui? Entre les gens. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et le hadith il est rapporté par Muslim, inna shaytan qad ya'isa an ya'budahu al-musallun fi jazirati al-arab walakin fi at-tahrish baynahum. Le diable a certes désespéré que les prieurs, les adorateurs ici ou les prieurs l'adorent dans la péninsule arabique, lakin une chose qu'il n'a pas désespéré fi at-tahrish baynahum, c'est-à-dire de créer la discorde, la division entre eux. Et c'est pour cela, il dit le cheikh, hafidhahullah ta'ala, ceux qui suivent la voie du diable, ceux qui suivent la voie de Shaitan et qui divisent les rangs et suivent et cherchent les défauts et les erreurs de leurs frères, il dit que ceux-là ont suivi la voie du diable. Et il rappelle qu'Allah Jalla wa Ala a parlé d'eux dans le Coran al-Karim, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tu n'es pas responsable de ceux qui émiettent leur religion en secte. Ils retourneront tous vers Allah et il les informera de ce qu'ils faisaient. Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Ceux qui ont ici émietté leur religion en secte, et il dit Allah Jalla wa Ala, cela tu n'en es pas responsable. Et il dit Allah Subhanahu wa Ta'ala, ils retourneront tous vers Allah et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Et il dit ceux qui divisent les croyants, ceux qui instaurent l'inimité entre les croyants, ils réunissent et ils cherchent à réunir toujours les défauts des croyants, ceux-là se sont certes écartés de la sunna du prophète Muhammad alayhi afdalu salati wa azka taslim. Et il dit al-mu'minu al-haqiqi, le véritable croyant, c'est celui qui s'éloigne de la division et ne touche pas à l'honneur de ceux qui divergent avec eux. Bien que cela diverge avec eux, ils ne touchent pas à leur honneur. Et ceux qui divergent avec eux, ils les aiment quand même, et en leur absence, et en leur présence, il fait leur éloge. Ça ne l'empêche pas de les aimer parce qu'ils divergent avec eux, et ça ne l'empêche pas ici de faire leur éloge. Les compagnons, radiyallahu anhum wa ardhahum, comme le rappelle le cheikh hafidhahullahu ta'ala, ils ont divergé. Mais ils ne se divisaient pas. Ils divergeaient, ikhtalafu, et ici il dit, ils ne se sont pas divisés. Il dit, les compagnons comme Abu Bakr, comme Omar, comme Uthman, comme Ali ont divergé, et ne se sont pas divisés. Et il dit après eux, il y a Ibn Abbas, il y a Ibn Zubayr, il y a beaucoup de compagnons qui ont divergé. Et avec cela, ils ne se divisaient pas. Et de plus, ils se faisaient des éloges et invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala les uns envers les autres. Et ainsi, il dit, l'imam Malik, rahimahullah, a divergé. L'imam Shafi'i a divergé. L'imam Ahmad avec l'imam Shafi'i, il y a eu des divergences. Et l'akhiri, les savants, al-ulama, ils ont divergé. Mais cela n'a pas empêché, ici, qu'ils restent unis et qu'ils se fassent des éloges les uns envers les autres. Et il dit nos sheikh, c'est-à-dire Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et il dit sheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ils ont toujours eu de l'affection et de l'amour envers leurs étudiants. Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, rahimahumullah, ils ont toujours eu de l'affection et de l'amour envers leurs étudiants en sciences, même si leur arrivée, c'est-à-dire à ceux-ci, c'est-à-dire on parle des étudiants, ils parlaient des étudiants, de diverger avec eux. Mais ils ne se divisaient pas et ils se respectaient mutuellement, car chacun reconnaissait le mérite de l'autre. Et il dit notre minhaj, c'est quoi ? C'est le fait qu'on aime nos frères de cette religion et on aime ceux qui transmettent le bien parmi al-ulama et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Et il dit le tafsir ici et le tabdi', le fait de rendre pervers des gens, un groupe de gens ou des personnes spécifiques, ou bien le tabdi', le fait de rendre innovateur des gens ou alors une personne, est souvent lié à su'adhan, est souvent lié à la mauvaise opinion. Et là, je mets une parenthèse. C'est moi qui interviens maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aimer et détester en Allah et qu'on doit tous aimer en Allah, même pour les défauts qu'on a, et même pour abadan. Ce n'est pas ça ce que vise le shir. Mais shir, il met une couche pour nous rappeler c'est quoi l'asl. Et amma détester en Allah, comment s'éloigner des gens. Il a akhiri, ça on va le voir bit tafsil demain dans la suite de al-dawra al-ilmiya, insha'Allah ta'ala. Donc il dit le tafsir que le tabdi' est souvent, c'est pas tout le temps, souvent lié à su'adhan, à des mauvais préjugés, des mauvais soupçons. Et il met en garde contre ces mauvais soupçons qui font tomber certaines personnes dans le tafsir et le tabdi', d'accord, qui n'est pas fondé. Et il dit, Allah Jalla wa'ala a dit, « Ya ayyuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'd adh-dhanni ithm. » Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en garde les croyants, il a dit, oh, vous qui avez cru, « ijtanibu kathiran min adh-dhann. » Donc de s'écarter de ces conjectures, car il dit, « inna ba'd adh-dhanni ithm. » Ce n'est pas toutes les conjectures, ce n'est pas tous les soupçons. « Inna ba'd. » Certaines conjectures, certains soupçons sont péchés. Et il dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et le hadith il est rapporté par Al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, et là il dit, ça c'est une mise en garde à ceux qui ne préservent pas leur langue, et ça c'est une bonne annonce à ceux qui préservent leur langue. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui me garantit, dans une traduction approximative, ce qu'il y a entre ses deux lèvres, c'est-à-dire al-lisan, la langue, et entre ses deux jambes, ici, c'est-à-dire ses parties, Allah Jalla wa Ala lui garantit le paradis. Et il dit cela, ces gens-là dont il parle, hein, donc qui a dit, ils ont suivi la voie de Shaitan précédemment, cela ne préserve pas leur langue. Mais avec leur langue, ils se permettent de toucher à l'honneur de leurs frères musulmans. Et ils tombent dans des injustices envers leurs frères musulmans. Et Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, « Inna alladhina yu'zuna al-mu'minina wal-mu'minat bighayri maktasabu » فَقَدْ يَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Il rappelle la mise en garde sévère de la part d'Allah Azza wa Jal quand Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, ceux qui portent atteinte aux croyants et aux croyantes, بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا, sans qu'ils ne le méritent, فَقَدْ يَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, ils se sont certes chargés ici بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, d'un péché et une calomnie évidente, ou d'un mensonge et d'une calomnie évidente, avec une traduction approximative. Et il dit, on donne à cela la recommandation, c'est-à-dire à ces gens-là, que le prophète alayhi salatu wassalam a donné à Mu'ad radiyallahu anhu arda. Quand Mu'ad radiyallahu anhu arda a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam, et il cite une partie du hadith, quand Mu'ad a dit, ya Rasulallah, serons-nous jugés pour nos paroles? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, oh Mu'ad, c'est la moisson de la langue qui le plus souvent jette les gens dans l'enfer. C'est la moisson de la langue qui jette le plus souvent les gens dans l'enfer. Et il dit ceux-là, ces gens-là, qui ne cessent de chercher les défauts et qui parlent sur leurs frères et qui parlent sur les gens qui cherchent et qui demandent la science religieuse, qui sont sur le terrain et qui transmettent les paroles d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ceux-là, ce qui les empêche de faire ce travail-là, ce sont ceux qui obstruent humul ladina yasudduna an sabilillah. Ce sont ceux-là qui obstruent le sentier d'Allah jalla wa ala. Et il met en garde ces gens-là et il leur rappelle le verset coranique où Allah jalla wa ala a dit: "Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ad kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula." Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela on sera interrogé. Par contre, il dit, ce qui est étonnant, c'est que les gens de l'aqida corrompus. Ah, là on parle des gens qui ont une aqida corrompue. Et il dit comme al-shi'a, et ici, et ceux qui les suivent, ou d'autres personnes qui ont des dogmes, des croyances mauvaises, corrompues. Il dit cela, ils sont préservés de leur langue. Mais par contre, leurs frères, non, ils ne sont pas préservés de leur langue, et ils éloignent les gens de leurs frères et des gens de bien. Kama qala al-shaykh hafidhahullah ta'ala. Et il dit ici, je rappelle que parmi les plus grands des savants qu'il y a eu, comme l'imam Malik, comme l'imam Ahmad, et après eux, il dit Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, il dit jusqu'à Sheikh Ibn Baz, rahimahumullah jami'an, il dit ceux-là, bien qu'ils divergeaient, bien qu'ils avaient des désaccords, ils ne se divisaient pas, ils ne se comportaient pas ainsi. Jusqu'à ce qu'ils rappellent la parole de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, pour rappeler que personne n'est infaillible parmi nous et que tout le monde peut faire des erreurs, même s'il est savant. La parole très connue de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, quand il disait, ici toute parole peut être prise ou rejetée, illa sahib hadha al-qabr, sauf celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire Ashara, il a indiqué la tombe du prophète Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et il rappelle que les savants comme l'imam al-Nawawi, Ibn Hajar, Ibn Aqil et d'autres ont fait des erreurs claires et reconnues par les savants. Et comme on avait dit, ça c'est une parenthèse et c'est moi qui interviens, comme je vous avais cité tout à l'heure et on le verra dans les détails demain inshallah ou ta'ala, ils ont fait des erreurs même dans al-Aqid. Et il dit avec cela, est-ce que les savants les ont rejetés? Est-ce que les savants n'ont pas pris d'eux? Les savants, ils ne cessent de prendre d'eux. Et les savants reconnaissent leur mérite et leurs bienfaits et leurs valeurs. Et il rappelle ici que nous, on doit agir de même, c'est-à-dire d'être juste et équitable dans le jugement. Et ce n'est pas parce qu'une personne a fait des erreurs qu'on va utiliser une balance, la balance de Shaitan. Mais il faut agir avec équité envers eux, reconnaître le bien et reconnaître s'il y a un mal, bien sûr. Et ensuite, il termine le shir, hafidhahullah ta'ala, avec des invocations en demandant à Allah jalla wa ala de purifier nos cœurs de la rancune, de la haine, de la division, et qu'il fasse qu'on s'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'était l'intervention de Cheikh Abdullah al-Mutlaq hafidhahullah ta'ala. Et ensuite je lui ai posé trois questions, d'accord? Donc trois questions qui reviennent assez souvent. Ça m'amuse pas personnellement de poser ces questions, et il y a mieux à faire, comme je le dis tout le temps. Et si là, je rappelle à mes chers frères et sœurs que si on a fait cette dawra, c'est pas pour perdre son temps, comme si quelqu'un allait perdre son temps avec des réponses à des mises en garde souvent non fondées. Je ne dis pas que parce que moi, personnellement, j'ai été amené à répondre à des mises en garde, que ça a été de la perte de temps, mais on va voir ça dans les détails, inshallah ta'ala. Ce n'est pas pour ça. C'est pour simplement avoir des bases, d'accord, fondées et scientifiques. C'est pas, oui, les savants, ils ont dit, j'ai lu une fatwa. Non. Vous voyez très bien qu'on voit depuis le début, les paroles d'Ibn Rajab, les paroles de Al-Ulama, les paroles d'Ibn Battah, les paroles de Al-Ulama, avec Al-Qawa'id, les règles qu'on cite. Et là, demain, vous allez voir toutes les règles et toutes les paroles et on va voyager à travers beaucoup de livres. Des livres d'Ibn Al-Qayyim, des livres et un livre extrêmement important qui est énorme en trésor et en bénéfice. C'est le livre d'Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, dans son livre Fadlu Ilmi Salaf. Ala ilmi al-khalaf, ça c'est un livre qui est ici qui doit coûter 3-4 euros, et c'est des livres en arabe, et je vous donnerai une liste de livres en arabe pour pouvoir ici approfondir votre science comme il se doit et avec des shorouh, des explications de ahlul ilm comme il se doit bi-idhnillah azza wa jal. On voyagera à travers les paroles d'Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa en donnant toutes les références bi-idhnillah azza wa jal bi-tafsil, Comme ça, celui qui veut vérifier en arabe, pas dans français, en arabe, ici pourra vérifier dans les détails, inshallah ta'ala. Ça, si on le fait, c'est pour avoir des bonnes bases sur le minhaj et dans le minhaj. Et ici, bi'idnillah azza wa jalla, ça va être une cause pour mettre fin à toutes ces réponses qu'on essaie de faire quelquefois pour rassurer les gens. Non, khlas, on a fait une réponse scientifique en donnant des preuves à travers cette daura. Et ensuite, khlas, celui qui est convaincu, il est convaincu. Celui qui n'est pas convaincu, bi kulli ihtiram, assalamu alaikum. Wadih. Lakin, j'ai posé ces trois questions au shir, simplement parce que des gens pensent qu'on prend quelquefois que ce qui nous arrange, et on s'adapte. Nous nazzilu nas manazilahum kama qalat Aisha radiyallahu anha wa ardaha, nazzilu nas manazilahum fi muqaddima, dans l'introduction de du Sahih Muslim. Donc on s'adapte aux gens, et comme les gens ils aiment bien utiliser que les paroles des savants, savants a dit c'est bon, on est rassuré, ben, on va rentrer dans ici leur voix, bien qu'on la rejette pas totalement. Mais comment ils la font eux? Oui. Et on appelle les savants Al-Kibar. Et on leur pose la question aussi. Claire? Bien que personnellement, moi je m'arrête pas à ça et je préfère ici des détails ilmi fondés sur des règles, sur des paroles scientifiques, etc. de savants. Lakin, dans les détails, je dis bien. Lakin, à la kulli hal, j'ai posé les trois questions comme vous l'avez entendu en langue arabe concernant At-Tazkiyah. Concernant, une certaine maladie et une certaine voix qui s'est répandue aussi, c'est un autre excès. Sur des gens qui se permettent de rendre toujours aux plusieurs personnes, ils ont cette haine qui est exagérée envers beaucoup de gens et qui tombent dans le tekfir, à rendre mécréant un tel, et ils en font leur principale occupation. Et sur une fameuse fatwa qu'avait fait Cheikh Abdallah al-Mutlaq, et certaines personnes ont dit oui mais ils utilisent et ils parlent avec des savants que quand ça les arrange, la preuve qu'on a des contacts, voilà nous akallah, avec beaucoup de gens de science. Et on les appelle directement. D'accord? Comme ça, ça ferme la porte à certains. Sur At-Tamthil, d'accord? Sur Bayna Qawsein, entre guillemets, dans le sens, les formes de pièces de théâtre. Je lui ai posé ces trois questions, vous avez entendu les réponses en arabe, je vous donne rapidement, de façon résumée, ces réponses. Concernant At-Tazkiyah, il a rappelé que bien sûr, et je lui ai bien posé la question, certaines personnes prétendent que on ne peut transmettre la religion que si on a une Tazkiyah d'un savant parmi les savants, et que même si on est un prédicateur qui dit « قال الله وقال الرسول بفهم سلف الأمة » et qui revient « وَوَيَرْجِعْ إِلَىٰ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ » il revient en parole des savants, ici ça ne suffit pas. Et je lui ai dit « quel est votre avis ?» Et le cheikh, il a répondu de façon claire, comme vous l'avez entendu, bien sûr que à partir du moment où la personne transmet ici les paroles d'Allah et du messager « بِفَهْمِ سَلَفِ الْأُمَاءِ » il revient aux gens de science, il doit transmettre, je lui dis « هَلْ هَذَا شَيْءٌ مَطْلُوبٌ » est-ce que c'est quelque chose de demandé ? Il a dit « بَلْ هُوَ وَاجِبٌ » Vous avez entendu ou je déforme les paroles ? Obama, on va dire je déforme. Tout le monde a entendu clair ? D'objection ? D'objection ou pas ? Il vaut mieux la dire maintenant. Khlas, il a dit « بَلْ هُوَ وَاجِبٌ » il a dit « c'est obligatoire ». « فَوَ رَبِّ الْكَعْبَ » je n'ai pas besoin de me justifier avec la parole que de Cheikh Abdallah al-Mutlaq. Parce qu'on connaît la parole des savants et on connaît d'où ils ont puisé. Et on connaît la parole des savants qui ont dit il faut une tazkiyah obligatoire. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour fermer quelle porte? On les connaît. Là, qui on s'adapte aux gens qui jouent que, ou qui prennent que les fatawas. Bah, on se met à votre niveau. D'accord? Cheikh Hadi, bah, moi je te dis Cheikh Hadi. 1-1. D'accord? Ah, bah, Cheikh Hadi, t'as 2-1. Bah, moi je vais dire Cheikh et Cheikh Hadi 3-2. On s'adapte, là, râle. Le niveau de science, il est faible, on s'adapte. Là, qui le Cheikh, il a dit, bah, le huwa wajib. Et il a mentionné la parole du prophète alayhi salam rapportée par Al-Bukhari, balighu anni walaw aya. Et comme on l'a dit plusieurs fois, c'est entre parenthèses, ça c'est moi qui interviens. Que ça c'est pas justifiable pour que tout le monde transmette n'importe comment. Bien sûr que al-ulama ils ont rappelé, comme on va voir dans les détails inshallah, que des sectes sont apparues à cause de la mauvaise compréhension d'une aya. Mais lui il montre que celui-là on parle de la personne qui dit Allah a dit, le prophète a dit avec la compréhension des plus prédécesseurs et qu'il revient et il parle de l'ulama. Donc ça da'wa elle est claire, bien que il n'est pas ma'soum, il fait des erreurs. Voilà qu'alhamdulillah. Ça, c'est ce qui est apparent et ce qui est clair, ce qui est répondu chez cette personne-là. Il dit, c'est obligatoire. C'est obligatoire de transmettre à ce moment-là. As-su'al al-thani, il a donné une leçon d'amour et d'affection pour ici atténuer la haine excessive et exagérée qu'ont certaines personnes. Quand on parle du takfir, du minhaj, des khawarij, je ne suis pas là, attention, hein, je ne fais pas partie de cela. Pour dire, dès qu'une personne va dire une parole, t'es un khawarij, t'es le minage des khawarij, t'es takfiri. Ça, on n'est pas de cela, hein. Wal'iyadu billah. Dès que quelqu'un va dire quelque chose, par exemple, quelqu'un va dire, Allahumma ansur ikhwanana fi Suriya. Quelqu'un va dire, Allah, secours nos frères opprimés qui sont en Syrie. Ah, khawarij, takfiri. Non, je suis pas de cela. Là, qui n'en parle des gens, qui sont rentrés dans un excès clair, qui passent leur temps à rendre mécréants les savants, ou à rendre mécréants, ils parlent des savants, vous les connaissez clair leurs signes. Oui, ces savants-là, c'est des savants du sultan. Wal'iyadu billah. comme ils ont interrogé certains savants, et dernièrement ils avaient interrogé Cheikh Al-Mufti, Samahat Al-Mufti, Ali Cheikh, il a répondu à quoi? À cette parole-là, quand ils ont dit les savants du sultan. Il a répondu quoi? Jazakallahu khaira. Qu'est-ce qu'il a dit, Samahat Al-Mufti? Inch'Allah, la prochaine fois, bi'idhnillah, on fera un liqa, Inch'Allah ta'ala, avec lui. Ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si nous les savants, on n'est pas en relation directe avec eux, on les conseille pas, qui va les conseiller? Et il y a une vidéo sur internet, vous pouvez la voir, où il y a un conseil du roi d'Arabie Saoudite. Maintenant, vous la retrouvez en langue arabe, hein. Vous la trouvez, Inch'Allah, je la mettrai sur le site internet, où vous voyez Samahat Al-Mufti avec l'ulama. Et il y a le roi qui leur donne des recommandations. Recommandations de taqwa Allah, de se préoccuper, de préserver la bonne aqida, de il a akhiré. Et Samahat Al-Mufti, il le reprend et il dit, barakallahu fik sur ces conseils précieux que tu as donnés. La première des choses, de craindre Allah. La deuxième des choses, alhamdoulilah. Et il dit, alhamdoulilah, on ne cessera d'être dans le bien tant qu'on a une bonne relation comme ça, une entraide dans le bien avec vous et il a akhiré. Après quoi, ils ont peur de qui? L'ulama. Ils ont peur de dire la vérité? Non, mais ils sont en bonne relation. Et il rappelle que quoi? Que nous, les musulmans, et il dit particulièrement en France, on doit réagir avec la parole d'Allah Azza wa Jal quand il a parlé du prophète alayhi salatu wa salam. Quand Allah, il a dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. C'est la parole du Cheikh, hein. Certes, nous t'avons envoyé, c'est-à-dire Mohammed, qu'en tant que miséricorde pour l'humanité. Et il dit que les musulmans en France, que les musulmans doivent vouloir le bien pour tout le monde. On n'est pas là pour vouloir le mal. La règle générale, on veut le bien pour tout le monde. Et il dit pour les croyants, comme pour les non-musulmans, comme pour les juifs, comme pour les chrétiens, on veut le bien pour tout le monde, c'est le comportement du musulman. C'est-à-dire, on veut le bien pour eux, on veut leur guidance. Est-ce que nous, on va dire, non, on veut pas qu'ils soient guidés? Abadan. Nous, on veut le bien pour tout le monde. Et ici, il dit, c'est ça, c'est comme ça qu'était le prophète, alayhi salatu wassalam. Son comportement de base, il voulait le bien pour tout le monde. Et il ne voulait pas la haine et répandre la haine. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a voulu et aimé, et c'est ça qu'on doit aimer pour les gens. Aimer et vouloir pour les gens le bonheur et la guider et la voie de bien. Donc on doit s'entraider dans le bien entre croyants et vouloir le bien pour les musulmans et vouloir le bien pour les non-musulmans. Et il recommande à ces gens-là, ici, de s'écarter de cette haine, etc. et d'agir avec un bon comportement, surtout nous les musulmans en France, avec les musulmans et que ça soit même avec les juifs, avec les chrétiens, il a akhiré. J'ai pas inventé. C'est les paroles du Cheikh. D'accord? Pour apaiser cette haine-là qu'ont certains égarés. Et comme je lui ai dit, voilà un conseil pour ceux qui sont tombés dans l'excès. Et c'est souvent cela, ceux qui souvent ils permettent, wal'iyadu billah, de, parce que, comme je vous ai dit précédemment dans la daura, parce qu'on est en face d'un non-musulman, c'est un kafir, un mécréant, et que tu dois vouloir le tuer, tu dois vouloir son mal. C'est ce qu'ils disent. Le shir, regardez les paroles sages du shir al-allama qui fait partie de kibar al-ulama. Ça c'est une réponse, ceux qui permettent de répandre le sang des musulmans et des non-musulmans sans aucun droit, wal'iyadu billah. Et la troisième question, c'est concernant hukm al-tamthil. Et je n'ai pas dit, oui, shir, regardez, dans certains cas, est-ce qu'on... Je suis resté neutre. J'ai dit, voilà, certaines personnes ont entendu votre fatwa, votre avis concernant hukm al-tamthil. Le jugement des pièces de théâtre. Bien que je rappelle, ce n'est pas dans mes habitudes de le faire. Et moi, je n'ai jamais voulu organiser quelque chose avec une pièce de théâtre. Et ce n'est pas dans ma da'wa, et je l'ai fait qu'une fois dans ma vie, et ça ne m'intéresse pas de le refaire. Qu'on soit bien clair. Mais simplement parce que des gens, ils restent focalisés, ils permettent, dans des sujets de divergence non réprouvés, de se diviser. C'est pour ça où on voit, et c'est là où on voit que les gens n'ont pas compris. Et comme il disait, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, c'est une parenthèse, c'est moi, mes paroles à moi, hein. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il disait, plus la personne a de la science, et plus sa poitrine va être ouverte quant à la divergence. Et c'est vrai, quand quelqu'un, il n'a pas beaucoup de science, dès qu'il va entendre quelque chose qui lui paraît étrange, ouais, de Bilal, qu'est-ce que tu dis? Parce qu'il a pas de science. Mais quand la personne va faire beaucoup de recherches, elle va dire, ah, mais tel cheikh a dit, tel savant a dit, dans tel, il a utilisé ça. Donc sa poitrine, elle va être ouverte plus à la divergence parce qu'il connaît aqwal al-ulama. Il n'est pas focalisé avec 2-3 savants et 2-3 fatwas répandus sur un sujet. Wadi. Et donc ici, il dit que ça c'est un sujet de divergence. Et qu'à partir du moment où, ici, c'est, at-tamthil, est fait dans un but pour apporter du bien, et apporte un bien, et que ici, ça, ce qui est visé, c'est d'éloigner les gens du mal, des choses répréhensibles, de l'fitan, et que on l'utilise d'une bonne manière, et ça je dis entre parenthèses, vous retournez dans la fatwa de Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz, na'am. Vous la voulez en arabe, vous venez me voir, je donne toutes les références. Pas de problème. Parlez pas du français. Maintenant, il faut monter de niveau parce que les gens, ils jouent bien. Maintenant, on va parler qu'en arabe. Khalas, vous venez, je vous donne en arabe. La fatwa de Cheikh Ibn Baz. لا فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة concernant حكم التمثيل et ils disent que c'est autorisé. واضح؟ ولكن بالشروط avec des conditions. Mais à la base ils disent c'est autorisé. Ibn Baz رحمه الله تعالى quand il parle de حكم التمثيل il dit les savants ont divergé. Dans certains cas c'est autorisé, dans d'autres cas c'est interdit et il dit mais on parle de At-Tamthil, lui son avis là quand il avait répondu à cette question là c'était sur le fait de représenter les compagnons à Sahaba radiyallahu anhu wa ardhahum et là il a interdit clairement et formellement clair, c'est pour ça il y a des conditions mais pour dire oui non ils ont interdit tout court ça c'est encore, on parle encore, excuse-moi du terme encore des perroquets dont on a parlé tout à l'heure clair, donc il faut bien voir dans les détails il faut respecter la différence et lui le shir, il dit qu'à partir du moment où c'est pour viser quelque chose de bien et éviter al-fitan et que ça apporte une maslaha, un intérêt pour les musulmans comme ce qui est fait dans Qanat al-Majd et d'autres Qanawat où ils utilisent le tamthil mais ça permet d'éduquer que ce soit les enfants ou autres et ça apporte un bien et ça réforme les gens à ce moment-là il dit nous prenons la vie que nous acceptons cela donc lui il dit moi la vie que nous avons pris donc lui il parle de lui bien sûr principalement qu'il l'accepte et il le tolère et ensuite il dit n'oublions pas que c'est un sujet de divergence et que chacun doit respecter l'autre et il dit il rappelle cette règle très importante que celui qui s'est trompé il aura quand même quoi falahu ajr c'est pas n'importe qui dit subhanallah c'est l'ulama est-ce qu'il a une récompense ou pas donc comment toi tu te permets à ton petit niveau de critiquer des gens qui sont quand même récompensés et alors que toi à travers ta critique tu mérites ici le péché ajib toi reste à ta place toi tu vas critiquer tu mérites le... lui même tu critiques une personne qui va être récompensée donc c'est la preuve qu'il ne mérite pas d'être critiqué surtout pas comme un petit comme toi ou moi donc il dit s'il s'est trompé lahu ajr il a une récompense wa in asab si lui il ne s'est pas trompé ici il a donné la bonne réponse il a combien de récompenses il a deux récompenses donc pour remettre chacun à sa place et remettre chaque chose à sa place en disant que c'est un sujet de divergence et qu'on doit respecter les deux avis je pense que c'est assez clair et bi'idhnillahi azza wa jal inshallah ta'ala pour ce soir on va arrêter là inshallah ta'ala et demain bi'idhnillah comme aujourd'hui après salat al-dhuhr mubasharatan ba'da salat al-dhuhr nawasilu ma'a sharh kitab al-sharh wal-ibana ala usul sunnah wad-diyana al-mashhur bismi al-ibana al-sughra ibn Battah rahimahullah rahmatan wasi'a demain après salat al-dhuhr et je vous ai dit demain après salat al-dhuhr on fera encore en deux séquences je pense après l'asr inshallah ta'ala on fera une séquence encore ou deux séquences bi'idhnillah azza wa jalla on va toucher les points les plus importants maintenant concernant les fondements, concernant les règles sur le minhaj ila akhiri, inshallah ta'ala. On va continuer avec le charh et on est bientôt arrivé dans le charh du premier texte. Et inshallah ta'ala, vendredi à la khutba de Jumu'ah et mubasharatan ba'd al khutba, comme je vous ai dit, on aura un appel de Sheikh Shabl qui est un élève de Sheikh Ibn Baz, rahimahullah wa rahmatan wasi'a, qui est un étudiant en sciences et ici, comme lui, il le dit, bien que ce soit une personne, bien sûr, qui demande la science, qui ne cherche qui ne cesse de rechercher la science, mais qui est un très haut niveau. C'est un docteur, et ici c'est un professeur en Aqida dans l'université à Riyad. Et alhamdoulilah, il a été élève de Sheikh Ibn Baz, et il fera une intervention directement après Khutbatul Jumu'ah, inshallah ta'ala, que je traduirai par la suite. Wa barakallahu fina fikum, et pour nos invités, vous êtes la bienvenue. S'il vous faut quoi que ce soit, ici vous nous dites, et on essaiera de vous aider de la meilleure des façons. Et on s'excuse pour les manques ou le manquement qu'on a envers vous ou alors le manque de comportement qu'on a envers vous ou alors le manque de temps qu'on vous donne et fawarabbil ka'ba je le dis bi kulli saraha wa bi qalbi avec mon cœur et avec toute sincérité je répète et je n'ai jamais prétendu être un savant ou être un mufti ou être meilleur que vous ana usib wa ukhti ici wa ana bashar moi je me trompe et je dis des choses correctes. Et quand je me trompe, هَذَا مِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ceci vient de moi et de الشَّيْطَانِ. Et quand je dis une bonne chose, هَذَا مِنَ اللَّهِ وَحْدَهِ ceci ne peut provenir que de qui ? Allah جل وعلا, l'unique. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec une parole à moi ou avec une parole de son frère, ici, il faut aller le voir avec amour, affection, bonne intention. Et le but, c'est quoi ? الْمَحَبَّةِ فِي اللَّهِ وَلِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى c'est le fait de s'aimer, de s'entraider